Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Vous êtes habitués aux rappels que je vais faire, donc les petites annonces que vous connaissez. Je rappelle donc que nous sommes présents sur Gab, ainsi que sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle, et ainsi que sur Telegram, il y a un canal ami, toujours à l'adresse Oremus officielle, qui nous fait le plaisir de nous partager. Et sans plus tarder, je vais commencer avec la présentation des membres. Je commence par le général SS Dédé. Comment ça va, Dédé ? À tous, loué soit le bon Dieu. Bah écoute, ça va très bien. Donc le mois dernier, j'étais pas présent parce que c'était mon tour de garde au Mirador pour surveiller notre camp de concentration. Et donc là, je suis avec vous, je suis content. Comment ça se passe dans le camp du coup ? Est-ce que le père Mathieu a essayé d'enfiler Oleg ? Bah écoute, je crois qu'il y a Oleg, ouais, effectivement, qui a fait quelques infidélités à sa princesse Kabyle. J'accueille aussi avec nous Elzinko. Elzinko, guten Tag. Assurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Salut, Bobby. Content de vous retrouver et de retrouver les auditeurs. Alors, on est nombreux ce soir, puisque là, on est vraiment serré là, de la commandant tour, puisque Rex est aussi présent avec nous. Rex, comment ça va ? Ah, ça va bien, les copains. Écoutez, moi aussi, je suis dans la forge des Phaistos. Hein. Il faut bien que ces camps de travail et ces camps de vacances se préparent comme il se doit, en bonne et due forme. J'ajoute qu'il est possible que Longinus nous rejoigne en cours de route, donc on verra. Et on le présentera. Et on peut commencer direct sur le premier sujet. Un sujet qui nous fait rire jaune à chaque fois, parce que c'est des sujets qui viennent du Vatican. Donc, vous savez, c'est pas toujours des bonnes nouvelles qui viennent du Vatican en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé en provenance du Vatican récemment ? Des trucs bizarres avec des baptêmes de transgenres, des enfants nés de GPA. Donc, je vais lire tout de suite un extrait du journal 20 minutes. L'article se décompose en deux parties. Alors, je vais lire une première partie du journal 20 minutes qui dit que dans le document publié par le Vatican, le dicaster précise que les fidèles transgenres peuvent recevoir le baptême dans les mêmes conditions que les autres fidèles s'il n'existe pas de situation dans laquelle il existe un risque de générer un scandale public ou une incertitude parmi les fidèles. Ce même avis s'applique pour quelqu'un qui a subi un traitement hormonal et ou une opération de changement de sexe. Donc ça, c'est pour la première partie. Et pour la seconde partie de l'article, là, c'est un peu plus tendancieux parce que ça parle du baptême des enfants dont les parents seraient homosexuels. Vous savez que pour les baptêmes des enfants, généralement, la situation des parents, j'ai pas envie de dire elle importe peu, mais on fait souvent passer les intérêts de l'enfant en premier. Mais en tout cas, voilà, on peut quand même rebondir sur le premier aspect. Donc apparemment, on peut être transsexuel, se faire opérer, mutiler, tout ce qu'on veut, et recevoir le baptême. Alors, j'ai cherché, moi j'ai pas trouvé ça dans le catéchisme et tout, donc c'est nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beau. Parce que, au départ, le baptême, je pensais que c'était quand même un état où on était censé renier les péchés pour pouvoir s'améliorer, etc. Ouais, mais ce qui m'a fait marrer quand t'as lu, c'est que tu parles de fidèle transgenre. C'est un concept intéressant quand même, un fidèle, c'est-à-dire un catholique, quoi, qui, bon, un fidèle, c'est quelqu'un qui est fidèle à quoi ? Fidèle à quoi ? Au commandement du Christ, a priori. Et je me rappelle pas qu'il avait dit qu'on pouvait se couper le sexe, ou, enfin, ça a dû m'échapper à un moment donné, mais apparemment, c'est possible. Parce qu'en fait, nous, on lit la Bible peut-être en latin, c'est pour ça, on est des réacs, donc on comprend pas, en fait, les subtilités, peut-être qu'il y a un passage qui nous a échappé, ou... Non, parce que, normalement, bon, même quelqu'un d'homosexuel qui va se présenter au baptême, bon, ce qui doit se passer dans ce cas-là, c'est que, normalement, le prêtre lui dit, bon, ce que vous avez fait avant, forcément, on ne cautionne pas, mais faut changer, quoi, faut changer cet état, faut renier, faut renier cette homosexualité, ne pas la pratiquer. Si la personne est en couple avec un autre bonhomme, vis ou même toi, bah, faut que ça cesse. Et puis, faut plus que ça recommence, quoi. Mais là, c'est open bar, quoi. C'est, tu peux rester transsexuel avec, tu peux être un homme avec des faux seins et il n'y a pas de souci, quoi. Alors, il précise, oui, c'est possible. C'est toujours, vous savez, c'est le oui, mais, non, mais, c'est pas trop. Toujours au conditionnel. Alors. Sous réserve d'analyse complémentaire, t'as longtemps que je t'aime. Si jamais ça constitue pas de scandale, alors dans quel cas ça pourrait ne pas constituer de scandale? C'est quand même énorme. Bah, c'est toujours alambiqué, hein. Ça vient de Vatican II, donc il y a toujours le langage creux et on fait face à tout ça. Donc oui, vous avez bien répondu, c'est infidèle, ah oui, ok, mais infidèle à LGBT en fait, pas à l'Église catholique qui est une sainte apostolique, c'est pas de celle-là dont on parle, je crois qu'on parle d'autre chose. Et en plus, c'est une nouvelle qui nous vient du Vatican en plein synode, avec là aussi des termes tout creux, c'est un synode sur la synodalité, quoi. Et alors on dit pastoral, tout est pastoral aussi. Précédemment, je crois qu'il y avait eu le synode sur la jeunesse, sur l'Amazonie. Donc c'est que des espèces de synodes de sociologues et d'écolos. Et en fait, à aucun moment, on parle vraiment de foi et de religion, quoi. C'est comme si nous, on entamait un espèce de concile fasciste sur la fascicité. Voilà, on essaierait de se définir nous-mêmes ou je ne sais quoi, mais ça veut rien dire, on répète les mots, voilà, c'est affolant en effet. Et puis t'as bien répondu de toute façon, Bobby, voilà, un trans, d'accord, mais un trans repenti ou pas, parce que déjà il a fait quelque chose d'irréversible à échelle naturelle, ce qui est archi grave, il pourra jamais revenir en arrière. Faut déjà être repenti, c'est quand même le strict minimum. Et alors après, pour faire passer la pilule, le côté baptême des enfants de couple trans, bon, je n'oserais pas dire que c'est moins choquant, c'est choquant aussi, mais le baptême, on peut le faire à l'âge de raison, mais en même temps, l'enfant d'un couple normal, on le baptise aussi une fois qu'il est jeune, quand il est dans une famille catholique. Et là, ça va poser un peu un souci d'éducation, puisque évidemment, quand on baptise l'enfant à l'église, c'est aussi, on accepte toutes ses lois, on l'éduque dans un sens catholique. Donc si on n'a pas une vie catholique elle-même, ça n'a aucune signification de faire un baptême dans ce cadre-là. C'est aussi simple que ça. J'ai écouté un peu le podcast de DP là-dessus, un petit passage, et je pense qu'ils sont un peu emmêlés à des pinceaux, c'est pas pour les attaquer, hein, parce qu'ils faisaient justement pas cette distinction que tu viens de préciser, Rex, entre avant l'âge de raison et après l'âge de raison. Parce que avant l'âge de raison, l'enfant, on va dire, quasiment peu importe la situation des parents, on accorde le baptême, même si forcément on espère que l'éducation chrétienne suivra. Forcément, si c'est un couple d'homosexuels, il y a des gros doutes, mais c'est pas la faute de l'enfant, donc on peut pas quand même lui causer un tort, en l'occurrence lui refuser le baptême, pour la faute des parents. Mais après l'âge de raison, c'est notre histoire. Après l'âge de raison, attendez, même s'il est pas transsexuel, opéré, machin, même s'il est juste, entre guillemets, juste homosexuel, il y a un changement de paradigme à effectuer, quoi. Tu dois renier ton ancienne vie et te conforter au meilleur, quoi. Mais vous voyez bien que le mal dans notre monde dépasse infiniment, le simple laisser-aller de la nature humaine, qui pourtant est fort grand. Tous les péchés contre nature, par exemple. Un homme normal n'a pas de tentation avec les péchés contre nature. Et saint Paul, dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, éprouve bien que c'est tous ces péchés contre Dieu qui induisent les péchés contre nature. Je vous renvoie au chapitre 1, j'en ai déjà parlé, verset 18 de saint Paul. Donc si on fait des sacrements ou de baptême où les gens peuvent vivre comme avant et ne rien changer à leur vie païenne, enfin, quel est l'intérêt, quoi? D'ailleurs, finalement, tu as rebondi là-dessus en premier, hein, que t'as dit, ouais, des fidèles transgenres, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est ça. Si vous êtes transgenre, qu'est-ce que vous venez? Quel est l'intérêt, quoi? Pourquoi vous venez avec nous? Je comprends pas. Vous voulez tout à la fois et sans aucune responsabilité. C'est bizarre, votre truc. Il faut dire à Bergoglio de voilà, dans une voiture il y a des freins quand même, on peut les utiliser des fois parce qu'il est vraiment dans un souci d'accélération dans les virages, sixième vitesse et tout ça. Il nous avait déjà fait il avait posé la question un peu pour tester tout le cardinalat et tout, de dire ah oui, alors est-ce qu'on pourrait bénir les unions inverties, etc. On en avait parlé le mois précédent, et là c'est finalement c'est la suite, et ça donne encore une fois raison au père avec les triples guillemets, Mathieu. Enculé, tapette, pédé, Tarlouse, etc., etc. Qui tenait ce discours-là, hein, finalement. Là c'est passé comme une lettre à la poste. Moi, ce que je remarque, c'est qu'ils nous prennent de court à nouveau, quoi, parce que dans la dernière émission, on traitait de cette bénédiction des couples homosexuels inventée par la Babylone moderne. Et après, à la fin, je me rappelle, je t'avais posé une question, Bobby, je t'avais dit, bon, bah alors, après vous, quelle est la prochaine étape, quoi? Là, tu avais parlé de pape noir. Mais on n'y avait pas pensé. Enfin, moi, j'avoue, je n'avais pas pensé. Le baptême des transsexuels, c'est vrai que c'est un truc complètement fou, quoi. Ils l'ont fait en une semaine. Pape noir, j'étais gentil, parce que j'ai rajouté plein d'autres adjectifs, je crois. Parce que pape noir, c'est vrai qu'on avait dit noir, femme, transsexuel, unijambiste. Ouais, on avait quand même... Et rabbin, c'est important pour qu'il se fasse accepter, ouais, quand même. On vit à une époque qui pose des questions théologiques auxquelles on n'avait pas pensé. Bon, c'est vrai qu'avant, il y avait des gens des eunuques qui étaient castrés, donc, mais bon, c'était, enfin, en général, c'était pas eux forcément qui, enfin, je sais pas si ça se faisait vraiment dans la civilisation chrétienne, hein, d'ailleurs, mais bon, du temps des païens, ça se faisait. Mais là, on arrive à une époque où les gens volontairement commettent des péchés contre la nature qui mettent même en, qui posent question sur la possibilité de la repentance. Parce que une fois que, bon, si t'as commis un acte contre nature avec un homme, un acte sexuel, voilà, c'est qu'un acte, tu peux, voilà, tu peux te convertir et, entre guillemets, bon, oui, tu vas traîner avec toi sûrement des choses dans ton imagination qui sont dégueulasses et des choses comme ça. Mais bon, là, quand tu changes de sexe, tu sectionnes les parties, ta volonté, je pense qu'elle est ancrée dans le péché d'une façon autre qui rend le repentir, bon, on va pas dire qu'il est impossible, c'est qui est toujours possible par définition, mais ça pose vraiment question, quoi. On est en droit de demander des gages de repentir vraiment particulier, un engagement solennel où tu reprends ton identité normale et voulue par Dieu. Et là, j'avoue que moi, je suis un peu démuni, hein, face à ces questions. Oui, ça devrait être possible de baptiser des transsexuels, mais à partir du moment où, voilà, ils sont complètement abjurer la chose d'une façon vraiment à codifier par les plus grands théologiens qui existent encore. Puis ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin, de vraiment vérifier à ce point-là. Là, il n'y a pas encore, je me disais, de contre-serment moderniste, un peu un anti-Saint-Pédis, mais je suis sûr qu'on y viendra à un moment donné, et on y est un petit peu, parce que même, j'ai évoqué ce synode, il se veut en quelque sorte très démocratique, puisqu'on fait abstraction de la hiérarchie de l'Église. Là, c'est pas le Christ. Le Christ n'enseigne plus. Il demande aux apôtres et voire même aux fidèles de base ce qu'ils en pensent. Tu vois, c'est complètement inversé. Non, je suis contre le droit de vote de façon générale. J'ai une position qui est assez tranchée. Je comprends pas qu'on laisse voter les gens parce qu'ils se trompent tout le temps. On va mieux qu'ils aillent. Ce week-end là. Oui. Vous savez, la démocratie finalement, c'est la pire des dictatures dans la mesure où c'est la dictature du plus grand nombre. Quand on connaît le plus grand nombre, on n'a pas envie de le laisser voter. Et donc, il y a cet aspect qui est très démocratisant d'une certaine façon, mais pour des choses, pour favoriser les choses fausses uniquement. Sinon, Bergoglio aussi n'a pas hésité à être assez dictatorial, notamment à travers la vaccination, par exemple. La vaccination Covid, là, il avait été très, très hostile au moindre cardinal traité de conspirationniste s'il ne se faisait pas vacciner. Je ne sais plus si c'était le cas, il y en avait peut-être un ou deux, enfin quelques-uns, un peu plus, je pense, dans la curie romaine moderniste. Mais ouais, on n'a pas encore le serment moderniste pro-LGBT. Faudra attendre Vatican III, mais je vous assure que ça viendra, quoi. À un moment donné, ils serreront la vie jusque-là, quoi. S'il y a trop de conciliaires conservateurs, s'il y a trop de traditionalisme qui monte en puissance, ils y viendront, quoi. Il y a déjà l'étape intermédiaire, parce que le serment antimoderniste, qui était situé sous Saint-Pédis, a été abrogé sous Paul VI. Bizarre. Hein. Ouais, bah devant, il a été aussi très dur, en fait, avec la vérité, quoi, avec les catholiques, avec la vraie messe. Il persécute juste. Enfin, ça fait penser d'ailleurs à l'Apocalypse, hein, où il est dit qu'il sera donné pouvoir à la bête de combattre les saints et de les vaincre. D'ailleurs, la bête en question, c'est une bête qui est blessée par l'épée et qui guérit de sa blessure mortelle. Donc, c'est difficile de pas penser à Wojtyla, Dixit Jean-Paul II, qui, d'après des historiens, était juif, de mère juive, de grand-mère juive. Et au moment où les nazis sont arrivés en Pologne, ils seraient rentrés dans un séminaire pour s'échapper. Mais Bon, moi, j'en rebondis vite fait sur ce point en particulier. Moi, ça ne me choquerait pas plus que ça. Alors, je tiens à préciser, je veux dire. Il paraît que Saint-Pierre était juif aussi. Ça m'empêche pas de dormir la nuit, sauf que le pape est juif. Quoi. Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. C'est pas pareil, c'est pas le même juif. Les juifs de Saint-Pierre et les juifs de, en 1945, c'est pas pareil. Non, mais je veux dire, on accepte quand même que le salut soit ouvert à tout le monde, même aux juifs. C'est pour vous dire à quel point on est tolérant. Et pour le synode, peut-être qu'on peut dire à nos auditeurs un peu en quoi ça consiste un synode, parce que bon, là, on entend parler synode sur la synodalité. Moi, je savais pas forcément ce que c'était. En fait, c'est comme un concile, sauf que, enfin, à la base, en fait, les synodes ont utilisé ce terme pour les conciles locaux. Et ça, là, ce qui est en train de se passer, c'est un synode d'évêques. C'est quelque chose qui a été créé par Paul VI à la fermeture du concile de Vatican II. À la base, c'était pas un truc si mauvais que ça. C'était quelque chose de consultatif, en fait, où en fait tous les évêchés du monde étaient censés se réunir et envoyer un évêque en particulier pour faire un peu remonter, là, on peut penser un peu au système des corporations, pour faire remonter l'information plutôt dans un sens consultatif. Mais là, ça a été, il y a eu une réforme, Bergoglio qui a réformé ça, et en fait, il donne le pouvoir à l'Assemblée des évêques, oui, maintenant il n'y a même plus que des évêques, mais il y a même des femmes, hein, d'ailleurs. Il leur donne le pouvoir de rentrer dans le magistère ordinaire, en fait, d'enseigner. Donc il y a un certain nombre une phase préparatoire, en fait, où des réunions locales dans différents pays, avec tout le monde qui peut venir, hein, même les athées. C'est un moderniste qui m'a dit, maintenant c'est les athées qui vont nous dire ce qu'on doit faire dans l'Église. Et ils font des propositions. Donc après, les évêques qui se ramènent avec une des propositions, là, ils en ont eu 270 au final. Et toutes ont été approuvées. Donc, ils ont voté, tout a été approuvé. Les deux plus contestés, mais qui ont été quand même approuvés, avec 69 voix contre sur 365, ce qui n'est pas beaucoup, concernant le diaconat féminin. Voilà, le diaconat féminin, c'est bon. Et l'abandon du célibat du clergé, ça c'est aussi, c'est bon. Il n'y a eu que 55 votants contre. Voilà. Et le plus grave, c'est même pas ça. Le plus grave, c'est qu'en fait, on s'attaque vraiment à la constitution divine de l'Église, où vraiment c'est la démocratie dans l'Église, où maintenant c'est le laïc, c'est l'athée qui est revêtu du pouvoir du magistère et qui enseigne ce qui est en fait la dissolution de la véritable Église. Mais voilà, on savait depuis le début, on a compris depuis un moment que ce qui se passe à Rome, c'est pas la vraie Église. Donc ils organisent un synode pour dissoudre la structure de l'Église, si c'était possible, c'est pas surprenant. C'est vrai que la forme conditionne la matière. Donc effectivement, en passant de l'église monarchie à l'église démocratie, tous les vices peuvent effectivement être propagés. Après, pour en revenir aux transgenres, etc., le fait d'être catholique, donc baptisé en fait, on est un enfant de Dieu, c'est sûr que c'est complètement incompatible avec le fait d'être transgenre, qui est en fait un enfant du diable. Comme tu vous avez bien dit tous les deux, hein, Elzine Coérex, à partir du moment où on modifie la nature que le bon Dieu nous a donnée, c'est vraiment peut-être une des plus grandes preuves d'orgueil, une des plus grandes sources d'orgueil que de refuser la création que le bon Dieu a fait. Quoi. C'est la volonté de te recréer toi-même. C'est la conscience, la subjectivité qui est Dieu et qui voilà. Mais c'est la nature qui nous est donnée, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Et le péché, c'est de dire non à la volonté de Dieu. Donc, refuser d'honorer l'ordre naturel jusqu'au point de te sectionner les parties, c'est la définition, c'est la substance, c'est la quintessence du péché, quoi. Tu peux pas aller plus loin. C'est vrai que même la vérité doit passer par le sujet, et il faut connaître la chose pour savoir que c'est la vérité. Donc, il y a une part d'individualité qui est importante, mais là, tu l'as bien dit, Zinko, le subjectivisme, c'est ce que je pense être, c'est la vraie chose, quoi. Donc, et puis ça peut partir dans tous les sens. Infini est le nombre d'insensés, dit l'Ecclésiaste. Du coup, il n'y a plus de principe de non-contradiction aussi. Un mode de pensée très promu par saint Thomas d'Aquin, très vrai, qui reprend Aristote. Et donc une chose ne peut pas être et être autre chose en même temps. Ou encore ne pas être. Être et ne pas être en même temps, c'est impossible. Alors que là, on est dans une dialectique rabbinique talmudique où c'est, ça peut être blanc et ça peut être bleu en même temps, on ne sait pas trop. Et voilà, quoi. Le gros souci du subjectivisme, c'est que tu renverses complètement la table, il n'y a plus rien de vrai, à part soi-disant tes délires personnels. Quoi. C'est un gros danger, et un gros danger actuel. D'ailleurs. Je me permets de préciser que c'est très juif, en fait, cette histoire de subjectivisme. Bon, ça vous surprendra sûrement beaucoup. Ah! Suite à la destruction du temple de Jérusalem, les Juifs ne pouvaient plus pratiquer leur religion, donc ils ont inventé une autre religion avec le Talmud et tout ça, la religion du livre. Et du coup, la référence ultime, ça devenait les rabbins. Alors, vous avez dû entendre parler de ça. Et il y avait plusieurs écoles de rabbins en fait qui se contredisaient. Mais du coup, vu que le Juif par définition d'après eux est de la substance de Dieu et que le rabbin encore plus, en fait, la parole du rabbin pour les Juifs dans le Talmud est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que s'il y a deux rabbins qui se contredisent, ben, ils ont réglé le problème en disant que ben, les deux sont vrais en même temps, et voilà, les deux opinions sont la parole de Dieu. Écoutez l'exemple que prend Jésus, celui du quatrième commandement. Et il leur disait, oui vraiment, vous enlevez toute autorité au commandement de Dieu, à force de respecter des imbécilités inventées par les anciens, que vous cultivez bêtement la longueur des franges de vos manteaux, la longueur de vos phylactères, et vos coupes lavées 10 fois et vos mains lavées 15 fois. On a ça dans le Coran. Ils passent leur temps à se laver, à se purifier. Vous avez enlevé... Alors, quand vous faites des imbécilités pareilles, vous enlevez toute autorité au commandement de Dieu. Au commandement de Dieu. Pour établir votre tradition. C'est pas la tradition de Dieu, là. C'est la vôtre. L'exemple le plus paroxystique, c'est le Talmud. C'est illisible, ce truc. C'est illisible. Ça n'est que des traditions humaines et des prescriptions vaines, stupides, imbéciles, avec quelques blasphèmes, au passage, voilà, contre Jésus, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est impossible dans le catholicisme. Enfin, on a un principe de réalisme qui ne peut pas être compatible avec ça. Et tu l'as bien dit, dans le monde post-chrétien, il y a ce document anti-chrétien qui est le Talmud et qui, en fait, finit par être supérieur à la Torah. En fait, il prend le dessus un petit peu comme nous, contre les protestants, on dirait bah, la Bible, très bien, on en prend source. Mais le catéchisme nous permet d'être formés afin de comprendre ce que signifie l'évangile, la Bible, autrement on le lit de travers et chacun y va aussi là de son subjectivisme. Voilà, le protestantisme finalement c'est, on rentre dans la période moderne, on devient subjectiviste, ne fait pas abstraction tout de suite de la religion chrétienne, mais on commence à évincer des pans entiers de doctrine, de hiérarchie, tout ça, et après à la fin, déjà que tu avais des apostats, bon là t'as carrément des athées quoi. Et le Talmud dit, si l'homme passe des sentences et des doctrines du Talmud à la Bible, il n'aura plus de bonheur. Ouais, ça, c'est le danger du libre examen, que ce soit du côté protestant ou côté juif. Puis il y a quand même des allégories entre Ancien et Nouveau Testament où ils préfigurent, les Hébreux préfigurent l'Église. Et donc, c'est vrai que même voilà, le prophète Élie. Donc, il y a plein de choses à connaître, et en même temps, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, bon, il y a des paradigmes qui changent aussi, quoi. Ce que les Juifs anciens, qui sont les Juifs actuels, là, n'ont pas compris. Bah, en fait, c'est une science où il faut être introduit, tu ne peux pas y rentrer tout seul, tu ne peux pas te mettre à étudier la Bible tout seul, ce n'est pas possible, tu as besoin d'y être introduit par des guides, c'est aussi simple que ça. Et quand tu es introduit d'une bonne façon, que tu vas chercher les bons versets, que tu les connectes comme il faut, c'est incroyable. Il n'y a rien d'aussi puissant que la Bible. Mais oui, tout seul, on s'y perd, c'est sûr. Beaucoup de gens n'ayant plus de catéchisme, je l'ai rencontré des dizaines de fois dans mon ministère, ils veulent découvrir la vérité de Dieu, c'est très bien. Ils rentrent dans une librairie, c'est très bien. Ils achètent la Bible, c'est très bien. Et ils commencent à lire la Bible. Alors déjà, ils lisent la Genèse, ils comprennent rien. Les 6 jours, tout ça, les serpents, machin, ils sont déjà largués. Puis après, ils vont lire les 4 autres livres du Pentateuch. L'Exode, ils comprennent encore un peu le passage de la mer Rouge. Mais quand ils arrivent au Lévitique, au Nombre et au Deutéronome, ils sont complètement largués. Parce que ces livres mélangent les traditions humaines avec les traditions divines. Jésus, lui, distingue. Les 10 commandements, c'est de la tradition divine. C'est Dieu qui a parlé directement à Moïse. On ne peut pas toucher à ça. Et Jésus va prendre un exemple, le 4e commandement. Mais toutes les histoires de je lave ceci et je fais tant de pas, etc. Ça c'est des traditions humaines. Puis c'est facile à distinguer. Les premières sont très intelligentes et très profitables. Les secondes sont vaines, inutiles. Et à quoi s'occupaient les pharisiens? Uniquement des traditions humaines. Puis quand je vois les articles du coup au sujet de ces histoires de sodomites et de synodes en général, c'est vrai qu'ils ont tendance à dire que l'Église a dit un oui, mais un oui timide ou un truc comme ça. Donc nous, on le voit plutôt dans l'autre sens. On dit ils vont plutôt directement dans la fosse. Mais je veux dire, vu l'actualité en ce moment même, vu l'actualité politique, c'est évidemment un danger immense. En fait, ça prend de plus en plus de place. On le voit dans les séries Netflix, machin, les plateformes principales te promeuvent ça à fond quand c'est pas du wokisme avec et là je suis Marie-Antoinette là vraiment ou des trucs comme ça. Ils ont sorti ce que moi je vais de la sortir, ils vont sortir un nouveau Hannibal, d'accord, Hannibal le guerrier avec Denzel Washington. Je veux dire Hannibal il est phénicien, enfin c'est entre le Liban et puis Carthage en plein nord de la Tunisie, quelque chose comme ils vont peut-être renommer ça Cannibal du coup. En plus, pour le coup, ils auraient pu prendre Abdelaziz, donc c'était déjà assez exotique comme ça. Il fallait vraiment qu'il soit plus foncé, quoi, on dirait. Ouais, et avec ces histoires d'homosexuels partout, d'ailleurs, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais pourquoi ils prennent l'arc-en-ciel en fait comme symbole? Je sais si vous y avez déjà pensé à ça. Tous les homosexuels ne sont pas pédophiles, mais bon, beaucoup de pédophiles sont quand même de la jaquette. Donc je me demande si c'est un moyen pour un certain lobby d'attirer les enfants, c'est possible. Bah en fait non, moi je sais pas spécialement, je crois que je l'avais peut-être vu un jour, ça m'est passé un peu sous l'œil, mais c'est sûr qu'ils ont repris en soi quelque chose qui est dans la nature, qui est très joli et qui n'arrive qu'assez rarement parce qu'il faut à la fois du soleil et de la pluie, mais à part le fait de gâcher un symbole, je sais pas trop pourquoi ils l'ont fait. Non. C'est peut-être aussi la manière dont ils souhaitent être condamnés, tu vois, soit la peine de mort par arc, donc ils se prennent des flèches dans la gueule, soit bah, jeter des toits des immeubles, donc dans le ciel, je sais pas, peut-être... D'accord, c'est peut-être l'interprétation de Hadith. Oui, là, c'est plutôt sauce Hamas Hezbollah. Couscous ! Couscous ! D'accord, moi, j'ai une théorie, si vous voulez, je vous la partage. Je pense qu'on oublie à quel point Dieu, il a horreur de la sodomie. Pédale, tafiole, tarlouse... D'où l'intérêt de connaître l'Ancien Testament. En fait, les deux moments où le péché s'est généralisé, c'était à Sodome et Gomorre. Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre. Et ensuite, c'est dans le premier monde, en fait, avant le déluge. On sait que ces péchés-là étaient très répandus parmi les hommes et ça plaisait tellement à Dieu qu'il a décidé de tuer tout le monde par le déluge. Donc. Et c'est là que le symbole de l'arc-en-ciel, en fait, apparaît. Quand Noé construit l'arche pendant 100 ans aux yeux de tout le monde, en leur expliquant que Dieu va détruire le monde s'il continue, personne ne l'écoute. Bon, ben voilà, ça se produit. Il rentre dans l'arche avec sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Et quand il ressort, donc il offre un sacrifice à Dieu. Et il y a un dialogue ensuite avec Dieu où Dieu explique. Prend un engagement vis-à-vis de l'humanité et il dit je ne quoi qu'il se passe par la suite je ne détruirai plus l'humanité pas que les animaux aussi de la sorte jusqu'à la fin et il donne pour gage en fait un signe de cette alliance et c'est l'arc-en-ciel donc en fait moi je le vois comme un en fait c'est le diable qui a choisi volontairement le signe de l'arc-en-ciel pour un peu tenter Dieu, en fait. Lui dire, ah ouais, regarde ce qu'on fait avec ton signe. Et tu n'as pas envie de les détruire. Regarde, tu as dit que tu ne nous détruirais plus. Et regarde ce qu'on fait, quoi. On en met partout. Moi, je le vois un petit peu. Après, il y a peut-être un peu des deux. Et à mon avis, il y a aussi de ce que disait Bobby, puisqu'on sait que, voilà, il est penché sur les enfants. Donc, on ne pourra pas faire une pierre de coups. Ouais, comme ça, il y a la lecture religieuse et la lecture naturelle, historique, politique. Et pour revenir sur l'église de ténèbres installée à Rome, dixit Anne-Catherine Emmerich. Bon, voilà, chaque émission, il y a un truc en plus. Bon, maintenant, ça fait 40 ans que ça dure. Bon, c'est quand même de pire en pire. Et nous, tout ce qu'on peut dire, moi, tout ce que personnellement je peux conseiller aux gens, c'est que sortez. Si vous êtes encore en lien avec les modernistes, avec cette Église-là, barrez-vous. Il en va de votre salut. C'est aussi dans l'Apocalypse, hein, au moment où il est annoncé que Babylone, elle est tombée, Babylone la Grande, en un jour, etc. Il y a un ange qui vient et qui crie au peuple, sortez de Babylone, de peur d'avoir part à ses péchés et à son châtiment. Donc moi, je l'ai déjà dit dans cette émission, je pense que cette Église de Ténèbres va tomber, et au moment où ça va se produire, il faudra plus être en lien avec elle. Donc ceux qui sont encore, qui sont nés, parce que maintenant il y a de plus en plus de gens qui sont hésitants, ils ont dit oui, non mais quand même, ils sont peut-être papes, alors il faudrait quand même les écouter. Ils ont quand même les églises, il y en a qui sont gentils, je ne sais pas. Et puis après, il y a un gros scandale. Hein, mais comment on fait? Ils sont en dissonance cognitive et ils ne comprennent pas. Ils disent, oh, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais ils restent attachés, malgré tout. Donc, eux, je leur conseille de sortir. Bah oui, c'est d'une certaine façon que le Vatican dégénère de plus en plus. C'est bon pour le traditionnalisme tant que le monde tradit reste lui-même préservé de cela. Et c'est là où ça pose une deuxième question quand même, c'est est-ce qu'on a les chevilles, foie chevillées au corps pour tenir? Ouais, sinon on a fait le tour du sujet, quoi. Là, dans ce cas-là, on parlait pas de 2-3 trans douteux où il faut étudier le sujet et tout, non, on est en pleine dégénérescence et c'est évident que pour en sortir, faut un peu de radicalité, faut créer un appel d'air en tranchant complètement de l'esprit du monde, hein, de toute façon. On ne condamne plus l'erreur, on ne fait plus la promotion du vrai, et en fait, tout ça est très logique, va complètement contre les intérêts chrétiens et européens d'ailleurs, mais ça va avec toutes ces lois dites bioéthiques, même les termes sont mensongers, parce que ça s'en prend à la vie, en fait, carrément. C'est même pas biologique, c'est complètement chimique, et ça s'en prend à la vie, que ce soit peut-être les aliments de supermarché qui sont pas de haute qualité, si on peut aller très loin, mais là, je pensais en particulier à tout ce qui est avortement, euthanasie, même opposition à la peine de mort, et tout ça, qui est une justice, on a déjà parlé plusieurs fois à l'antenne, durant toute cette année, mais ouais, c'est finalement on est complètement attaqué et ça empire de plus en plus. Ça, voilà, le Vatican qui a jamais validé vraiment très publiquement lobby LGBT est en passe de le faire en quelque sorte. Mais d'un autre côté, c'est bon pour ceux qui sont véritablement catholiques et nous, ça nous confirme dans la foi toutes ces attaques-là, disons. Et d'ailleurs, ils disent qu'ils veulent pas de scandale public. Hein, c'était le premier propos envoyé, mais ils le provoquent en fait. c'est ça qui est énorme. Ils disent ne pas vouloir de scandale public, mais ils le provoquent en acceptant tout ça. Ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà douteux. Et nous, de notre côté, il nous faut faire feu de tout bois, c'est sûr. Il faut en profiter pour un peu nous démarquer. Si une locomotive, on la met sur les rails, elle n'avancera pas comme un TGV. Hein, donc c'est sûr que vous pouvez vous définir différemment. Là, être une translocomotive ou que sais-je, ça ne changera rien en terre du milieu. Voilà, la communauté de l'anneau est fictive, mais la communauté de l'anus, elle, prend de plus en plus de place. Ouais, ça m'éveille une pensée, ce que tu dis, c'est que au final, c'est ce langage de oui et de non. Enfin, faut pas s'attendre à autre chose. Faut pas s'attendre à ce qui tranche clairement des choses. C'est le langage du diable. Le Christ nous a bien briefé sur ça. Voilà, que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout le reste vient du démon. Donc moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait un lobby officiel, enfin que ce soit qui change le credo ou ce genre de choses. Non, c'est toujours fait comme un serpent, quoi. À chaque fois. Il y a même beaucoup de gens du coup qui passent à côté et qui continuent à être à moitié tradis avec les modernistes parce que ils sont à voir, quoi. Ils y voient du feu. Les sodomites aussi, ils y verront que du feu. Pas au sens figuré. Très bien, nous étions à Rome et nous allons voyager un peu à l'autre bout du monde. On va partir au Japon avec une question d'un auditeur, de Vincent, avec un message qui nous a été envoyé sur Telegram, qui nous demande: que pensez-vous de l'histoire du catholicisme au Japon? Comment analysez-vous la répression du régime, tant sur le plan de la politique que de la religion? Que pensez-vous du catholicisme qui a éclos et qui a fait une renaissance après 1853 au Japon, mais qui a été tué dans l'œuf, de la part par des édits du Japon impérial et militariste, puis après 1945 avec une imposition forceps de la démocratie, surtout dans un pays qui a subi quand même deux bombes atomiques qui ont ciblé spécifiquement des villes chrétiennes, Hiroshima 6 août 45, Nagasaki 9 août 45, avec les résultats que vous connaissez. Alors là, je vais laisser la parole à Rex, parce que moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Je crois que Rex a un peu creusé la question. Oui, j'ai un peu travaillé à cet effet. Après, j'avoue ne pas être un expert du sujet. Je pense qu'après, on va en parler par rapport au christianisme surtout. Il faut quand même que ça reste un dialogue. Hein. Je ne vais pas faire une conférence. Mais ouais, ce que je ne vais pas trop connaître, ça va être les différentes périodes de l'histoire japonaise ou des choses comme ça, même les noms de famille. Où c'est plus difficile de retenir les noms à cause de la barrière de la langue. Et en plus, là, ce n'est même pas une langue étrangère européenne, c'est carrément asiatique. Mais sinon, c'était le contact médiéval entre l'Europe et le monde asiatique, donc qui s'est fait par voie maritime, hein, évidemment. Et comme il y a eu un échec des Portugais par rapport à la Chine, ils ne voulaient pas participer à la reconstruction de murailles ou des choses comme ça. De toute façon, les Européens, au départ, y allaient surtout pour le commerce, c'était le cas des Portugais. Et après, comme dans l'eau, il y avait des religieux, la question s'est posée. Mais ça a été plus un échec côté chinois. Peut-être par notre faute, mais il semblerait qu'il y a un engouement un peu moins grand de la part des Chinois que des Japonais, en tout cas. Le Japon, lui, il a ses mérites parce qu'il a réussi à se maintenir homogène dans ses traditions. C'est une chose un peu surprenante parce qu'il y a eu un échec des réussites missionnaires très conséquentes et ensuite ça a un peu chuté, disons. Grand succès des Jésuites, donc le plus connu, c'est Saint François Xavier, hein, qui a eu de grandes réussites qui ont été anéanties en quelques années. Et ce qui a choqué encore plus les chrétiens derrière, c'est que finalement, la société japonaise ne s'en est pas plus mal portée que ça. Ils n'ont pas eu des déluges de feu ou des choses comme ça. Ils ont réussi à se débrouiller, à construire, malgré leurs problèmes de fausse religion, disons. Bien sûr, là, une audace infinie hein, pour Saint François Xavier, c'est très intéressant à étudier, c'est un peu comme Christophe Colomb et tout ça, donc on part dans des religieux très audacieux, mais il avait réussi à en baptiser 10 000 en un mois, hein, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a quand même une forte hostilité vis-à-vis des fausses religions, là on n'est pas du tout dans le synode de la pastoralité du cosmos de l'espace. Évidemment, il brûlait toutes les idoles, il criait pour qu'il fallait le faire, et c'était un plaisir pour lui que les nouveaux convertis japonais se mettent à brûler entièrement, presque entièrement leur maison, disons. Donc évidemment, les Japonais, ce qui les a intéressés, c'est qu'ils étaient bien intelligents et obéissants, ce qu'on peut repérer encore aujourd'hui, hein. Ils ont une culture très polie, dans leur langue il n'y a pas beaucoup de gros mots comme ça qui sont très directs. À moins de dire un fils de chien, par exemple, on assemble plusieurs mots pour insulter, mais il n'y a pas trop de mots directs comparé à nous. Et en plus, les gens de toute classe se convertissaient, donc il n'y avait pas une notion de « il est pauvre, il est riche » ou des choses comme ça, et les gens pauvres eux-mêmes étaient très polis, donc c'était assez spécial. On le voit d'ailleurs, il y a des saints martyrs japonais qui sont très souvent des samouraïs, donc c'est lié à leur culture, et moi ça m'amuse toujours, on voit bien qu'ils se sont convertis au christianisme. Certains vont accuser que c'est une invasion de l'occidentalisme, mais en fait, ces gens-là sont restés profondément japonais, malgré cela, et ils se convertissaient par leur volonté propre. Et il y a même sur les daimyo, je crois, on peut voir des représentations très parlantes où des familles entières se convertissent, quoi. Il y a vraiment eu des choses exceptionnelles en soi au XVIe siècle comme ça. Il y a eu peut-être dans l'archipel 300 000 convertis quand il y avait 12-13 millions d'habitants durant ce siècle, disons. Plusieurs choses, moi, qui me frappent avec le Japon. Moi, je suis pas du tout un spécialiste. J'ai plutôt étudié ce qui s'est passé au niveau de la Thaïlande avec les missionnaires, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un pattern qui se reproduit. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est cette espèce de miracle de la traversée du désert, en fait, où à partir du moment où la religion catholique est interdite et où tous les missionnaires, en fait, présents sur place sont mis à mort horriblement et où il ne reste plus un prêtre. La religion catholique a survécu là-bas pendant, je ne sais pas si vous avez la date exacte, mais on parle de quoi, de 150 ans, de 200 ans, d'une période comme ça, où les fidèles, en l'absence de prêtres, ont conservé les dogmes et les sacrements essentiels, savoir le baptême et le mariage aussi, ils étaient capables de se marier, si bien qu'au moment du retour des prêtres, 19e siècle, ils avaient des questions à poser pour savoir si c'était bien un prêtre catholique qu'ils allaient avoir et non pas un protestant, etc. Donc ils demandaient en fait qui était le pape ou quelque chose comme ça. Alors après, bon, malheureusement, durant la période, ils avaient retenu en fait des formules en latin par cœur, donc ça s'était un petit peu corrompu. Dis donc, voilà, moi je trouve ça extraordinaire. Le Japon, il me semble, a rejeté dans sa globalité la vraie religion. Et comme tu disais, Rex, grand mal leur en a fait au niveau de la vie éternelle, ça on le saura au jugement dernier. Mais ce qui est très intéressant, moi, ce qui me frappe, sur le plan naturel actuellement, si on compare la composition ethnique et culturelle du Japon aujourd'hui, en 2023, avec celle de la France et de l'Europe et des pays blancs, voilà, il n'y a pas photo, ils ont conservé, ils sont restés, ils sont demeurés eux-mêmes. C'est parce qu'ils, justement, ils ont rejeté la religion catholique, ils sont demeurés, même pas dans le sens où, en devenant catholique, tu te fais métisser, pas dans ce sens-là, mais le problème, c'est que nous, on est devenus catholiques, on s'est pas fait métisser pendant suffisamment longtemps, je pense, et ça a commencé à mal tourner quand on a abjuré, malheureusement, la religion en tant que nation. Et c'est là qu'on a mérité des punitions effroyables, dont l'une des pires est effectivement la destruction de notre race qu'on subit actuellement, que ces peuples asiatiques, qui sont restés païens, ne subissent pas, parce qu'ils n'ont pas commis le péché contre la lumière que nous, on a commis. Donc ça me frappe. J'y vois un acte de justice de Dieu assez éclatant. Après, il y a un fait à connaître, c'est celui qui s'est passé au couvent japonais d'Akita, donc il y a Notre-Dame d'Akita, où en 1973, une religieuse japonaise, sœur Agnès, on peut l'appeler, mais son vrai nom c'est Katsuko Sasagawa Wata, elle a rapporté des apparitions de la Vierge. Donc vous avez, je pense qu'il y a des petits documentaires qu'on peut voir ici ou là, d'ailleurs l'Église catholique, Vatican II, n'est-ce pas, puisque c'est en 1984, avait reconnu comme authentique pour le coup, mais il y avait des histoires de Vierge qui a transmis des messages à cette sœur qui poussait à faire la prière, pratiquer la pénitence, réparer les péchés du monde, etc. Donc pour un message, je veux dire, tout à fait traditionnel pour le coup. Et la statue de la Vierge a été remarquée comme ayant des larmes de sang à diverses reprises. Et donc ça a cité l'attention et la dévotion de nombre de fidèles japonais. Enfin, comme je disais, il y a des saints samouraïs, donc genre il y a Saint Paul Miki, où à chaque fois ils ont été martyrisés en général. C'est la réaction, on va dire, patriotique du Japon, où on ne peut pas leur faire forcément grief à ce niveau-là. Ils ont une réaction de défense naturelle, on pourrait dire normale et efficace. Le problème, c'est qu'en ce faisant, ils ont rejeté la religion vraie. Mais vous avez certains samouraïs comme Takayama Ukon, ou des choses comme ça, et ça peut être des vies intéressantes à étudier. Hein. Des fois, mort en exil, il a subi des humiliations, enfin, il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans le Japon depuis l'ère médiévale, en plus. Quoi. Et cette persécution là, horrible au Japon, elle venait de qui des représentants du paganisme? Ils avaient des sortes de prêtres là-bas aussi, ou c'était plutôt l'empereur directement? Alors, quand on dit qui, on se demande si on doit parler de la communauté juive, mais là, pour le coup, non, c'était quand même un peuple homogène. Donc, il y a des clans, et c'est le clan japonais Tokugawa qui était l'un des plus puissants. Et donc, dans sa réaction, ils ont écrasé tout ça. Et en effet, tu as raison sur la pratique religieuse. Hein, on en vient toujours au même souci, c'est qu'on parle là de peuple païen. Donc, le Japon a une particularité, c'est le shintoïsme, mais qui en fait fait office un peu de religion civile, donc c'est assez politique. Et si bien que officieusement, leur religion plus spirituelle, c'est le bouddhisme chez eux. Donc, les deux d'ailleurs. C'est une sorte de religion philosophie. De toute façon, dans le monde païen, c'est souvent le syncrétisme, donc tu peux mélanger un peu comme les Grecs et les Romains ont assimilé les dieux des autres en les renommant ou des choses comme ça. Ouais. Et on voit les mêmes défauts chez les Japonais que chez les Romains, ou d'ailleurs en un peu plus poussé limite, parce que l'empereur, enfin le chef, avait droit de vie et de mort sur ces sujets. Il pouvait dire « toi demain je te tue ». Et pareil pour les parents. avec la particularité que là, c'était pas spécialement que le père qui pouvait mettre à mort son fils, mais limite même la mère le voulait, le souhaitait, le faisait, quoi. Donc et à chaque fois, les missionnaires chrétiens, quand ils partent en mission, un peu comme les Espagnols conquistadores, ils constatent des choses de dingue où des filles vierges de 12 ans sont sacrifiées sur un autel, quoi. On a toujours ce problème-là que l'on retrouve. Mais le Japon est véritablement indépendant. Bon, dans le monde asiatique, il y a la Thaïlande aussi, qui est le land, en fait, le pays des gens libres. Ils ont pas mal cette culture-là, et c'est des terres très peu envahissables. Même les Mongols au XIIIe siècle ont échoué, c'était à peu près l'une des dernières, si on ne compte pas, disons, des conflits avec les Chinois ou des choses comme ça, quoi. Donc ils ont un culte de la terre et les morts, qui en soi, à titre naturel, est bien, hein, comme dans le message de Maurice Barrès, mais là, un peu comme l'Église, évidemment, quand elle convertit un peuple, il y a des choses qui passent à la trappe si elles ne sont incompatibles avec le dogme, un peu comme les malgaches vénèrent les morts. Vous savez, ça, c'est pas possible chez eux parce qu'ils les déterrent, ils font la fête. Enfin, en effet, ça, ce sont des entre guillemets pratiques traditionnelles qui ne peuvent plus tenir. Par contre, pour le reste, elles vont pas détruire la civilisation et un peuple. C'est le christianisme, il est universel et il s'adapte, disons, à la nature des peuples, je dirais pas des uns et des autres, mais des peuples, oui. C'est un bel exemple des rapports entre la surnature et la nature. En fait, l'Église catholique est véritablement universelle et elle respecte la nature. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de... Il ne doit pas y avoir forcément un conflit entre la nature et la surnature. Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien qu'on doit arrêter d'être français ou arrêter d'être homme. Les deux se marient et même... La surnature a cette capacité de nous rendre encore plus ce qu'on est nous-mêmes en nous soignant des effets du péché originel et ce genre de choses. Et il n'y a que, effectivement, l'Église catholique qui est capable d'incarner cet universel ici-bas. Moi, je pense à sa contrefaçon qui est le mondialisme, en fait, qui tente d'incarner l'universel dans l'humanité, mais en fait en détruisant toutes les différences particulières jusqu'à ce que tout le monde soit un métis, transsexuel, consommateur. Voilà, c'est le véritable universel. Mongol, on parlait des Mongols, on y est. Oui, oui, voilà. Nous aussi, on bah, se envahir par les Mongols. Ouais, c'est la caricature du Saint-Empire romain germanique, c'est l'Union européenne, archi-communiste aussi, quoi. Il y a la caricature du... Et pareil, ouais, c'est un mondialisme inorganique ici, donc évidemment qui s'oppose à tout ce qui est... fasciste et catholique, en fait, tout simplement. Et donc oui, ce discours, c'est Dom Lu qui l'avait. J'en avais un peu parlé, je crois, cette antenne, qui est un bénédictin chinois, qui pour le coup se revendiquait toujours d'une certaine façon confucéen, mais pleinement catholique. Et bon, il était moine. Et voilà, il disait, religion chrétienne ne supprime pas le chinois que je suis. Et malgré la déchristianisation, donc la société japonaise, elle restait bien organisée sans catastrophe, c'est un peu ce que je disais. Ensuite, pourquoi les Européens n'y sont pas trop revenus? Parce qu'on a eu le souci des guerres intestines entre protestants et catholiques, ce qui fait que les missions extérieures ont pris un coup dans un peu du plomb dans l'aile, en sachant que il y avait des problèmes à régler à la maison, on va dire. Donc ça a mis un petit coup d'arrêt. Il y a une espérance, une petite ouverture qui s'est faite à l'échelle internationale au 19e, vers le 1853. Pourquoi? Parce que l'État a reconnu la liberté religieuse. Donc le pape Léon XIII a cru voir une petite porte d'ouverture pour opérer certains rapprochements. Je crois que c'était à l'époque où le catholicisme, c'était sur l'échelle de la population, c'était moins de 1%. Hein. Ça n'allait pas très loin, quoi. Et même un des synodes modernos récents en 98 déplorait le fait que on méconnaissait les religions asiatiques, pas forcément. Il ne le disait pas forcément dans un sens débile mental, dans le sens où c'est vrai qu'il faut connaître même ce que c'est que leur paganisme pour arriver à missionner, à les convertir aussi. Et c'est vrai que chez les Japonais, c'est un genre de giga-féodalisme où à l'époque, vous aviez presque une soixante dizaines de royaumes avec les droits que je vous disais de vie et de mort et tout ça. Donc, on ne pouvait pas comparer un peu à Sparte. Et c'est amusant parce que les Européens de l'époque les voyaient un petit peu comme des peuples pâles. Ils disaient peut-être pas des blancs comme nous, il n'y avait pas aussi des analyses de sciences biologiques qu'on a pu découvrir au 19e et tout ça, mais ils les trouvaient franchement blancs, disons. C'est vrai que les Japonais et en bonne partie les Chinois sont asiatiques et ça se voit sur le visage, mais la peau est pas toujours si jaune que ça, ou voire très bronzée, parce qu'en Asie, entre les Indiens, voire même des Thaïlandais, ils sont quand même bien plus foncé. Le taux de mélanine est plus haut, disons. Et comme je disais, voilà, après, c'est des propos Jean Courtois, très poli, quasi jamais zéro gros mot. Personnalité très pudique aussi, ce qui fait que je pense que nous, en tant que chrétiens, en couple avec sa femme, on peut très bien voir des films japonais qui sont plus viables que des films américains. Ils sont tellement pudiques qu'en fait, vous allez pas avoir grand chose qui s'oppose à la morale, à moins que ça soit sur autre chose, disons. Mais voilà, comparé à la plateforme Netflix, judéo-Netflix, c'est quand même bien plus préservé, on va dire. Et finalement, ces peuples étaient assez naturellement vertueux. Ils étaient assez sains, S-A-I-N, si l'on veut. D'une certaine façon, on le voit même cette propreté dans l'équipe nationale du Japon. Vous savez, le dernier mondial, ils avaient rangé toute la pièce, ils étaient partis. Tu mets l'équipe de France à la place, c'est, je pense qu'il y a un kebab halal qui reste par terre. Enfin, ça doit être un petit peu plus différent, quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais genre les supporters japonais après le match contre l'Allemagne où ils ont gagné, je crois 2-1, ils ont gagné. Et bah, il y a des supporters qui sont restés dans le stade pour genre tout nettoyer. Et il y a des photos qui sont sorties, en vrai c'est beau, hein. Tu vois tous les supporters nettoyer le stade. Et aussi le Japon, je crois ils ont laissé leur vestiaire ultra propre, genre comme si les joueurs venaient d'arriver, mais genre ils ont tout nettoyé. Et aussi ils ont laissé 11 origami dans le vestiaire pour symbole d'honneur, je crois. Donc en vrai c'est incroyable. Pour revenir sur le... Moi je connais plus la Thaïlande et je sais comment ça s'est passé au niveau de l'évangélisation là-bas. Donc là-bas, c'est très bouddhiste. Et en fait, les moines et les bouddhistes sont des surnaturalistes, dans le sens où ils ont une emprise sur les laïcs qui est assez énorme dans absolument tous les aspects de la vie. Et donc au début, c'était surtout des Français en fait qui sont arrivés là-bas. D'ailleurs, le mot que les Thaïlandais utilisent pour se référer aux blancs, ça vient du mot français, en fait. Quand les Français sont arrivés, ils sont présentés, on est français. Et du coup, les Thaïs, dans leur langue, ils disaient Phalang Set. Le mot blanc, aujourd'hui, c'est Phalang. Au début, ça s'est plutôt bien passé. C'était surtout des envoyés par Louis XIV. Et il y avait des relations courtoises entre les deux rois. L'évangélisation a été autorisée, je pense, comme au Japon. Il y a eu des rois qui ont vraiment été à deux doigts de se convertir, mais qui ont pas osé le faire, justement à cause principalement la conjuration des bouddhistes, quoi, et des moines qui voyaient vraiment d'un très mauvais œil cette évangélisation et leur perte d'emprise sociale. Et donc ensuite, il y a eu des très fortes persécutions qui ont été déclenchées, un petit peu voilà, comme au Japon, sauf qu'au Japon, c'est une île, donc du coup, il y a moins d'endroits où se cacher. Et ils ont l'air assez déterminés aussi, donc peut-être qu'ils ont réussi vraiment à faire fuir tout le monde pendant un bon moment, tandis qu'en Thaïlande, on a pu un peu revenir. En Thaïlande, en fait, c'est vraiment les moines qui sont à la base de la persécution sanglante. Donc, je me demandais si c'était pareil au Japon, si c'était vraiment eux, ou alors il y avait vraiment l'État et l'empereur qui étaient, qui avaient décidé tout seuls de faire ça. Si on fait un parallèle avec les premières persécutions de l'Empire romain, donc, qui ont commencé sous Néron, je crois que c'était en 67 ou 68, je ne sais plus, peu importe, il y avait quand même pas mal d'éléments culturels aussi qui expliquaient les persécutions. Il n'y avait pas que les éléments religieux. Par exemple, les chrétiens, ça peut paraître fou, mais vous savez, le christianisme était naissant, donc et puis il n'y a pas de communication claire, comme on peut l'imaginer, par exemple, qu'il n'y ait pas de communication claire, en tout cas facile, entre les missionnaires chrétiens et puis les populations japonaises locales. Donc ça pouvait générer toute d'incompréhension. Notamment, par exemple, les chrétiens étaient qualifiés de faire la promotion de l'inceste. Alors, ça peut paraître bizarre, parce qu'en fait, ils s'appelaient frères et sœurs entre eux. Et c'est un des éléments culturels qui fait qu'il y a eu un début d'incompréhension. Ils étaient aussi qualifiés de pratiquer le cannibalisme. Pourquoi cannibalisme? Parce que la communion. Et puis la communion au corps et puis au sang. Nous, on est habitués, forcément. Donc on voit très bien quelle est la finalité des propos. Mais quelqu'un de profane peut avoir des interrogations. D'un point de vue politique, il y a toujours ce rapport entre les chrétiens qui veulent absolument installer un royaume, ou installer un royaume chrétien, le royaume de Dieu. Et donc, imagine, t'es à la place de l'empereur et t'écoutes ça, tu lui dis, mais attendez, royaume, c'est de moi que tu parles là. Alors, en l'occurrence, c'est pas de lui, c'est pas de son royaume temporel qu'on parle. Mais à la place de l'empereur, t'écoutes ça, tu fais, attendez, il y a peut-être une menace à gérer là. Oui, mais bon, c'était assez facile à constater. Il y a eu dans la troisième grande persécution, je crois, Il y a une lettre de Pline le Jeune, qui est un païen et qui écrit à l'empereur pour lui rendre témoignage du caractère absolument irréprochable des chrétiens, qui voilà, ils combattent dans l'armée, ils font pas de mal à une mouche. Donc, je pense que même s'ils sont posés la question, est-ce qu'ils veulent établir un royaume très rapidement, sur les constats factuels qu'ils faisaient, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout le cas. Je rebondis encore sur l'Empire romain, je pense que c'est pareil aussi pour d'autres environnements. Les chrétiens se mettaient un peu en dehors de la société. En fait, ils étaient obligés parce qu'ils n'allaient pas, par exemple, au jeu du cirque, ils n'allaient pas au théâtre, etc. Déjà, parce que le jeu du cirque, en soi, on peut pas condamner à mort comme ça, sous la base d'un combat par les gladiateurs, ça fait des beaux films, si vous voulez, mais c'est immoral, on ne peut pas accepter ça, c'est abject. Et aussi, il y avait tout un tas de cérémonies ou enfin d'événements publics qui commençaient par des sacrifices aux dieux. Alors du coup, forcément, en tant que chrétien, ça ne les intéressait pas, ils n'y allaient pas. Et donc, c'était interprété comme des gens qui voulaient absolument faire une rupture avec la société. Alors que s'il n'y avait pas eu de sacrifices aux dieux au début des cérémonies, les chrétiens auraient pu s'y rendre et il n'y aurait pas eu d'incompréhension. Ouais, tu dis bien sur tout ça, et j'allais rebondir sur quand on disait que le paganisme était très syncrétiste, on avait parlé un peu avec Cels aussi. Finalement, cette coexistence a culminé avec Vatican II. Le shintoïsme est un peu pareil, il n'a aucun dogme et aucun fondateur. Il n'y a pas Jésus-Christ en référence, il n'y a aucun fondateur et aucun dogme. Donc d'où le fait que le bouddhisme a, je pense, supplanté, vu qu'il porte une morale spirituelle plus conséquente, plus poussée, et allant au-delà du purement naturel dans lequel est cantonné le shintoïsme, ou voire même la pensée de Confucius, qui est assez, au final, philo-sociologique. Ce n'est pas de la pure philosophie en tant que telle, comme a pu être inventée chez les Grecs. Je revendiquerais bien un petit combattant littéraire qui est Yukio Mishima, puisque c'est un genre de néo-fascisme à la japonaise. Lui, il est d'Extrême-Orient et nous, on est extrêmement nazis, donc c'est cool. Mais enfin, ça va pas. Sauf sur les faits qu'il avait une petite tendance un peu à la Belle Bonnard, un petit truc bizarre. Il regarde sous les jupes des garçons, on va dire. Mais c'est intéressant parce qu'il avait ce propos de dire le Japon d'après-guerre a perdu son âme et est passé à autre chose, justement, de cette ère démocratique. Donc c'est un auteur qui peut nous être tout à fait intéressant pour le coup. Au-delà du fait qu'il se soit suicidé à la samouraï ou des choses comme ça, hein, évidemment. Il y a des choses qu'on ne peut pas du tout valider. Un petit peu comme nous, Rome n'est plus dans Rome, d'ailleurs, on en parlait avec le synode, et c'est vrai tant à échelle religieuse que politique. On manque de fascisme. Et le pays du soleil levant, ouais, c'est vrai que je crois que c'est Elzinko qui disait ça, je trouve que c'est vrai que la langue japonaise est, pour une langue asiatique qui pour nous fait très... exotique, disons, je trouve qu'elle est jolie et compréhensible. Enfin, compréhensible, elle est jolie, elle paraît logique. C'est un petit peu comme les Européens trouvent la langue italienne jolie, mignonne, etc. Quoi. C'est comparé aux autres langues asiatiques, en particulier le chinois, je trouve que c'est pas très joli à l'écoute. Donc, je pense que ça peut être une petite force pour eux, même de regain culturel, parce que on parle de l'invasion de la culture américaine, mais c'est vrai que japonaise avec. Tout ce qui est manga et tout ça. Dans les réalisateurs, là, le truc de Kenshiro, en France, on dit Ken le survivant, d'ailleurs, c'est un protestant. Ce qui fait qu'il se nourrit un petit peu, comme on le disait avec le Seigneur des Anneaux, un peu de la culture christique dans le scénario de cet animé. Donc c'est intéressant de voir que, bon, là, c'est pour le coup pas un japonais catholique, ni Mishima, d'ailleurs. Mais il y a des petites références catholiques, d'ailleurs. On a Harinori Mori, diplomate japonais qui est catholique et impérialiste, disons. Donc, tu t'en perches énorme, Rex, hein, parce que moi, je voulais absolument pas parler de Dragon Ball au départ, mais là, je suis obligé. Que ce soit dans le manga ou dans l'anime, donc le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, il est pas chrétien, c'est un japonais pur jus, mais je pense que ceux qui ont lu le manga ou vu l'anime ont été surpris de voir à quel point la représentation de Goku lorsqu'il meurt, il y a énormément de points qui sont très clairement au moins inspirés du christianisme. Des éléments qui sont pas du tout présents dans le shintoïsme, parce qu'ils ont pas un paradis éternel, enfer éternel, ça n'existe pas chez eux, c'est un autre concept. T'es sûr que c'est pas odinien, plutôt? Ouais, c'est qui le bute, Sangoku? Je me rappelle plus. Parce qu'il meurt plein de fois, donc... Voilà, là, je parle de la première fois où il meurt, tué par son frère. Enfin, tué par son frère. En fait, il se sacrifie, donc il a tué son frère qui est un animal, quoi, qui est une brute et qui a envie d'exterminer la planète Terre. Et donc, il se sacrifie en prenant un tir de son ami, enfin de son ancien adversaire Piccolo, et il meurt par la même occasion en même temps que son frère. Et donc il atterrit dans une sorte de, pas une sorte de paradis en fait, il atterrit dans le paradis tout simplement. On voit que il y a un paradis, il y a un enfer, c'est éternel. Ceux qui sont morts, ils ont une petite auréole sous la tête pour les bons. Il y a le chemin du serpent, je sais pas si vous vous souvenez du chemin du serpent, hein, ça fait très clairement penser à des épreuves à passer au purgatoire. Enfin, moi, j'étais choqué par ça. Même les personnages qu'on croise, les personnages qui croisent quand ils visitent l'enfer, alors par erreur, parce qu'il n'est pas condamné, c'est un personnage bon. Mais très clairement, il y a énormément de références chrétiennes. Je suis pas sûr qu'elles soient dans le manga, d'ailleurs, je pense qu'elles sont uniquement dans l'animé. Les saints, il interagit avec des éléments d'autres personnes après la mort, avec des saints, avec Dieu, les fameux caillots, Akira Toriyama, ça se trouve, il a jamais mis un pied de sa vie en Europe, hein, enfin, avant d'avoir le succès de Dragon Ball, bien sûr. Très clairement, la culture, en tout cas chrétienne, l'a fortement influencé, ça c'est évident. Ça s'adressait aussi en partie à un public occidental, donc c'est nourri quand même en partie des représentations japonaises, c'est pour ça que je pense qu'il revit plusieurs fois. Alors au début, mais, c'était pas du tout lié à un public occidental. Hein. Je pense que l'animé, oui, vraiment, qui était fait après, c'est vrai. Mais le manga en premier, c'était clairement... les gens étaient surpris. Hein. D'ailleurs, la retransmission des épisodes à travers le public français, c'était un pur hasard. Tout le monde disait ça allait s'écrouler et tout. Et les Américains, par exemple, eux, ils ont eu l'expérience de Dragon Ball beaucoup plus tard par rapport à nous, je crois, une dizaine d'années après nous. Aussi, l'art catholique japonais existe, et comme les peuples représentent selon ce à quoi ils ressemblent eux, si vous le regardez, bah, il y a évidemment des représentations de la Vierge Marie, qui est une femme jaune, disons, une dame jaune. Donc ça existe, hein, vous pouvez regarder, ça peut intéresser... Nos auditeurs, j'imagine. Et en autre référence, bah, y a des ouvrages sur les sujets. Vous avez le christianisme à l'épreuve du Japon médiéval, des titres comme ça, si vraiment des gens veulent pousser. Et en référence, on a un amiral catholique aussi, lors de la dernière guerre, Yamamoto, qui a été assassiné par les Shabbat Goïm des États-Unis. Quoi. Donc il y a pas mal de petites références voilà, à connaître. Ça me mène à ce que tu dis au deuxième aspect du Japon qui a joué un rôle ouais, dans ma vie. C'est ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on sait que voilà, le Japon était un allié de l'incarnation du diable sur Terre, de l'Allemagne. Et que bon, il s'est passé ce qui s'est passé en Europe, et le Japon n'avait pas encore, ils n'ont pas capitulé, ils n'ont pas perdu en Asie, et donc les Juifs, hein, les internationalistes, on appelle ça les alliés, mais en gros c'est ça, se sont tournés vers le Japon pour leur intimer donc de se soumettre. Le Japon est rentré en négociation en faisant comprendre qu'ils étaient prêts à négocier et dans des termes voilà acceptables pour eux. Sauf que nos amis les Juifs voulaient aucune condition. Ils voulaient simplement, puisque bon, les Japonais c'est pas des Juifs, donc il faut savoir que c'est de la vermine. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. C'est pas trop ça. Moi, l'inquiétude. Comme ce qu'on voit en ce moment en Palestine, donc on négocie pas avec de la semence de démons, sauf que les Japonais, ils n'avaient peut-être pas lu le Talmud comme il fallait. Donc comment ils ont réglé ça, alors que bon, tout le monde sait comment ils ont réglé ça, ils ont envoyé deux bombes atomiques pour calciner, hein, c'est le meilleur terme, des centaines de milliers de civils. Pour les Japonais, c'est une immense boule de feu, puis une onde de choc, qui tue des dizaines de milliers de personnes sur le coup. D'autres voient leur peau fondre et se détacher. À l'épicentre, les températures avoisinent les 7000 degrés. Ils étaient comme des zombies. Certains se jetaient dans la rivière pour soulager leurs brûlures, mais beaucoup se sont noyés. On ne parle pas de quelques corps. Il y en avait partout. On pouvait à peine marcher. Dans les mois suivants, des dizaines de milliers de Japonais irradiés meurent lentement dans d'atroces souffrances. Un destin que partagent les habitants de Nagasaki, bombardés 3 jours plus tard. Côté américain, on considère que l'utilisation de la bombe était justifiée puisqu'elle a mis fin à la guerre. Mais au Japon, on perçoit ces deux journées d'août 45 comme des attaques contre des civils innocents. Mais ça, c'était pour les droits de l'homme. Donc voilà, rappelons ça. Parce que les nazis sont quand même des salopards. Hein. Mais par contre, les Américains et l'âge de bombe atomique, ça va, pas de souci. Oui, oui, non, c'est surtout qu'ils étaient prêts. Moi, ce que j'ai appris récemment, c'est que ce qu'on nous suggère quand on négocie, c'est que voilà, les méchants japonais, ils voulaient surtout pas se rendre, ils voulaient continuer la guerre mordicus. Non, c'était pas du tout ça. Ils étaient prêts à arrêter. Il fallait qu'il y ait aucune condition. Il fallait qu'ils deviennent ensuite une. En fait, ils refusaient de devenir une plutocratie démocratique, quoi. C'est ça, hein, mais ils n'avaient pas le choix. Et donc, ils ont choisi, comme l'a rappelé l'auditeur qui nous pose cette question ardue, ils ont choisi les deux villes les plus chrétiennes du Japon. Donc, si connecter juifs avec tuer le plus de chrétiens possible, là aussi, moi, je vois une connexion. Finalement, souvent, quand ils veulent faire le mal, les juifs, en fait, ils font l'inverse. Il y a eu deux miracles éclatants. Ça s'appelle le miracle de Nagasaki, le miracle d'Hiroshima, où en fait des communautés religieuses, alors à Nagasaki, ils étaient vraiment à quelques centaines de mètres de l'épicentre, tout qui a été rasé autour d'eux, et eux ne sont pas morts, en fait, ils sont juste les vitres qui ont été brisées, pareil à Hiroshima, et ils n'ont même pas souffert des radiations, en fait, ils sont morts de leur belle mort 35 ans après. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils vivaient le message de Notre-Dame de Fatima et priaient le rosaire. Ils croyaient vraiment au message de Fatima et ils s'efforçaient de l'obéir, en fait, et de prier le rosaire quotidiennement. Donc, ils ont été étudiés par des scientifiques qui ne comprenaient pas pourquoi ils sont toujours en vie. Et le religieux, il disait, c'est très simple, c'est parce que c'est Notre-Dame, quoi. Et moi, je vous avoue que quand j'ai vu ça, au moment de ma conversion, j'étais encore vraiment le cul entre deux chaises. Enfin, c'était vraiment compliqué comme période. Je me suis dit, bon... Ça a l'air de marcher, cette histoire de rosaire. C'est même une assurance contre les bombes atomiques. Je dis, bon, voilà, ça coûte quoi? Donc, j'ai commencé à prier le chapelet. Et quotidiennement, quoi qu'il se passe. Et ça a changé ma vie. Donc, voilà, je suis reconnaissant aux Japonais pour ça. Enfin, c'était pas des missionnaires japonais, je crois, qui ont survécu, mais c'était au Japon. Here comes a new challenger. J'ajoute que Longinus vient de me rejoindre. Longinus, comment ça va? Ah, très bien, ravi de vous retrouver pour ce mois-ci. Enfin, j'espère avec un micro qui fonctionne. J'espère que tu as obtenu une dispense de l'évêque pour arriver en retard et être absent le mois précédent. Mais oui, tout à fait. Je mets à coup le pas. Dans les règles de l'art. Exactement, tout ce qu'il faut. Nous te pardonnons. Va en paix, mon fils. Merci. Alors, nous allons enchaîner sur un petit sujet purement religieux, parce que c'est un peu le principe de l'émission quand même. On voulait un peu parler du temps de l'Avent qui va commencer, en tout cas au moment où on enregistre cette émission. On va bientôt entrer dans le premier dimanche de l'Avent, messe de Noël déjà. Bah, c'est l'occasion de nous retremper dans notre religion, en sachant que les messes de l'Avent préparent en quelque sorte la venue de la messe de la Nativité. Donc on pense à la Nativité du Christ, on célèbre la naissance donc, du Sauveur. Et dans cette préparation, il faut quand même faire un effort spirituel. D'ailleurs, on est dans l'attente, dans l'expectative. Il faut être nourri d'espérance et de se rappeler de l'humilité de Dieu, donc qui, bien qu'il soit tout, a souhaité s'incarner, naissant de surcroît dans une humble étable et non au château Rothschild, n'est-ce pas ? Donc voilà, ça doit nous retremper un peu dans notre foi. Dans notre foi, en sachant que bon, il y a bien 4-5 messes, voilà, que ça rappelle l'incarnation, donc le fait que nous sommes la religion du Verbe, la religion du Logos, le Logos incarné, et non le maître du Logos, hein, au commencement n'était pas Alain Soral, au commencement était Dieu. voilà, ça rappelle d'ailleurs une certaine transmission orale de notre culture, même si ça n'empêche pas l'écrit. Et voilà, une vérité physique inscrite dans l'Évangile, là où ça n'empêche pas cette séparation entre oral et écrit. Les Hébreux étaient donc trop dans l'écrit, avec les pharisiens notamment, tandis que les Philistins, eux, avaient une tradition purement orale. Donc au XIXe siècle, dans les conflits littéraires, on appelle Philistin un demeuré, un inculte, disons. Mais voilà, le Fils de Dieu a fait chair, il est venu habiter parmi nous, comme dans l'Angélus. Et on doit donc se préparer à ce moment de joie, de gratitude, de communion, de référence à la mère aussi, sa sainte mère qui est restée vierge, qui modélise un peu l'Église, le Christ et son Église. On pense aussi dans le mariage à l'homme, image du Christ, et la femme, image de l'Église. Donc c'est nous, avec le patriarcat, qui avons les lois, mais en même temps, on aime et on protège notre femme, on aime et on protège l'Église, comme le croisé au combat, et voilà. Donc on célèbre tout ça, quoi. La Vierge aussi qui a accepté de se faire mère de Dieu, mère du Sauveur. Si je peux me permettre, je sais qu'il y a une chose que je faisais, qui est assez intéressant à faire pour ceux qui connaissent, s'appelle l'Exodus de 90 jours. Exode 90 jours pour se préparer à l'avant, en fait, pendant les 90 jours avant la naissance du Christ, on faisait une préparation, c'est-à-dire qu'on se coupait un petit peu de tout ce qui était. C'est un exercice que je recommande, hein, c'est pour ceux qui sont intéressés, c'est on se coupe en fait un petit peu de tout ce que de mauvaises habitudes, pour ceux qui ont tendance à, vraiment, à manger du sucré, d'arrêter le sucré, on prend des douches froides, on passe beaucoup de temps à la prière et à lire un petit peu l'Exode de. Des juifs d'Égypte et de justement de pour nous amener un petit peu à la réflexion. Au début de l'évangile, on voit Jésus prier des fois toute la nuit, sans dormir. On lui verra prier des heures au jardin des Oliviers. Et là, c'est parce que Jésus prie avec une telle intensité, une telle profondeur, que quand il se relève, les autres disent on est incapable de faire ça. Non. On ne sait pas faire. Alors il va nous dire comment il fait, lui. C'est extraordinaire, cette introduction de Saint-Luc. Et puis Jean avait appris à ses disciples à prier. Dans la grande réforme, c'est un grand réformateur, au bon sens du terme, que Jean le Baptiste, bien sûr. Eh bien, Jean avait appris, entre autres, il apprenait aux gens à prier. Et on sait très bien, hein, comme a dit Saint-Augustin, un homme vaut ce que vaut sa prière. Si vous ne mettez pas les gens à prier, vous n'en ferez jamais rien. Le grand malheur des hommes, c'est qu'ils ne prient pas. Ils ont tous cette possibilité de s'adresser familièrement, intimement avec Dieu, hein, et ils n'en profitent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces exercices, mais c'est quelque chose en fait, qui se fait par pair. Et nous, de notre côté, on avait un prêtre qui nous chapeautait, on avait tout un ensemble de personnes qui faisaient ça, et on était par deux pour un petit peu, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que ça peut être des fois assez difficile pour se couper certaines mauvaises habitudes, mais c'est quelque chose qui permet qui va vous reconcentrer en fait, sur la prière, avant Noël. Donc, ce qui est pour moi, je pense, c'est un très bon exercice pour ceux qui ne l'ont jamais fait pour se préparer à l'avant, effectivement, à la nativité. Est-ce qu'un d'entre vous l'a déjà expérimenté ou pas ? Moi, je n'ai jamais entendu parler. Ah, ben, je vous transmettrai les infos. C'est très intéressant à faire. C'est quelque chose qu'on pourrait faire de notre côté aussi. Donc, moi, je me permets de rappeler la prophétie de Michée dans chapitre 5, verset 1. « Mais toi, Bethléem Ephrata, le plus petit d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit être souverain en Israël. » Et ses origines remontent aux temps anciens, aux jours antiques. Donc on a Michée qui nous annonce que le Seigneur va naître, bon, il ne dit pas dans une étable, mais Isaïe nous le dit, parce qu'il nous dit que le bœuf et l'âne reconnaissent leur maître là où Israël n'ont pas d'intelligence. Donc on a le lieu qui nous est donné, on a le temps qui nous est donné par Daniel, on l'a vu durant la dernière mission, c'est ces fameuses 70 semaines. Donc voilà, il faut nous préparer pour sa naissance, et je pense que tout ce qu'on peut dire sera beaucoup moins que ce que Dieu nous dira à l'intérieur de notre âme si on prend du temps pour méditer ce sujet-là. Mais c'est aussi une bonne période pour se replonger dans les oracles du Seigneur et dans les prophéties extraordinaires qui couvrent toute sa vie. Donc maintenant, c'est peut-être le moment de regarder celles qui prophétisent sa naissance, d'une vierge aussi, ça Isaïe l'a prophétisé. Dans la Genèse aussi, même Dieu annonce que c'est la semence de la femme. Enfin, c'est pas la semence de la femme, mais quand il parle au démon et qu'il lui dit... La semence de la femme, on rebascule sur les transgenres du début du sujet. Quand il parle au serpent, il lui dit que c'est la femme lui écrasera la tête, mais c'est pas la femme, c'est la descendance. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15. Ça c'est la prophétie que Marie enfantera en étant vierge, parce que dans la Bible, quand on parle de quelqu'un, on se réfère toujours à son père, on le présente jamais par sa mère. Sauf dans le cas du Sauveur, où il est toujours présenté par sa mère, en fait. C'est une sorte de façon voilée de nous suggérer qu'il n'aura pas de père humain. Voilà, donc pour notre homélie touche à sa fin, et pour citer Jérôme Bourbon, sursum corda, donc un sursum corda avec trois R. Et voilà, sinon l'occasion aussi d'aller à la messe de minuit si vous avez le temps, la possibilité, il ne faut pas hésiter. C'est une belle période en plus, le retour des chants de Noël, l'esprit de Noël, de paix, de générosité, de véritablement recentrer notre vie autour du Christ, de le mettre dans notre cœur. C'est important un peu, on en parlera l'année prochaine avec le carême aussi, mais pareil, il faut se préparer à la chose. Qu'est-ce que tu dis, la République dit que c'est la fête de l'hiver, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est vrai, sur les marchés d'hiver, ouais. Exactement, les marchés d'hiver, les fêtes d'hiver et la prime d'hiver. Avec le Père Noël qui est partout et le petit Jésus qui est nulle part. Les crèches qui sont enlevées des mairies, bientôt des églises, hein. Bientôt pour pas choquer évidemment. Manifestement, les habitants ici ne sont pas du tout choqués par la présence de cette crèche. C'est quand même une tradition. Même si c'est dans une mairie, c'est folklorique, c'est sympathique. Les gens à qui ça dérange, ils viennent pas la voir. Mais certaines voix s'élèvent car une partie de la crèche est à l'intérieur de la mairie. Françoise Atiba est la présidente départementale de la Ligue des droits de l'homme. Vous voyez, là, on est de l'extérieur, donc ça serait le respect de la loi. Mais pour voir la crèche, il faut rentrer à l'intérieur. Et là, on n'est plus dans la loi. La militante y voit de la provocation, puisque la crèche est effectivement installée dans un petit cabanon accolé au mur de la mairie. La France, ses racines sont laïques et pas chrétiennes. Et ce qui est important, c'est la neutralité des hommes publics et des espaces publics. Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, défend lui son stratagème. Il estime être dans son bon droit. Ce qui pose problème dans la jurisprudence, ce sont les sujets de la nativité. Jésus, Joseph et Marie. Eh bien, Jésus, Joseph et Marie, ils sont à l'extérieur de la mairie, sur la voie publique, et là c'est toléré. L'avocate de la Ligue des droits de l'homme vient de saisir le tribunal administratif de Montpellier pour demander la suppression de cette crèche. Là, on s'apprête à être témoin d'un spectacle assez fou. En fait, on a là toute la société, même apostate, qui va se transformer en fait, dans le mois prochain. On va avoir des Pères Noël, des trucs de partout. Il y a tout qui va se mettre en branle. Et en fait, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font autant de bruit? C'est simplement pour couvrir le réel événement de la nativité du Seigneur, qui est trop important, en fait, pour que l'univers ne se mette pas à chanter pour le célébrer. Ça doit se passer. Le diable ne peut pas l'empêcher. Il en rage, d'ailleurs. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est essayer tant bien que mal de le couvrir avec des mensonges. Bon, c'est surtout Père Noël, hein. Les gens, ils ne fêtent pas l'hiver. Mais c'est un témoignage rendu par le diable à la nativité. Bon, témoignage de haine, mais quand même. C'est ça, surtout que le Père Noël, finalement, s'emprunte de Saint Nicolas. C'est ça, c'est qu'on remplace nos saints par des espèces d'affreux bonhommes qui sont censés apporter les cadeaux, donc les biens matériels, non pas spirituels. Comme quoi les gens doivent être de ce monde et non pas du monde d'après. Le Père Noël qui est l'incarnation d'Adam selon Oleg. Ah oui! Purée, ouais, là, tu nous as tués, là. Oh, oui. Oh, j'en peux plus de ce type. Oh, c'est vrai. Oh là là. Et bon, en fait... Alors, selon Thomas Ferrier, d'ailleurs, c'est même plus Odin, c'est Odinovitz, hein, je vous le rappelle. Bonjour à tous, nous sommes au mois de décembre 2020, et bientôt, c'est la fête de Noël, c'est-à-dire la fête gallo-viking, celle du Père Noël, qui n'est autre que Odin. Grosse révélation dans cette vidéo. Noël, c'est l'hiver et la descente du Père Noël depuis le pôle Nord explique qu'il utilise un traîneau tiré par des rennes, un animal hivernal. Mais le nombre de rennes est de 8. Et ça, c'est pas un hasard. C'est pour relier ces 8 rennes au cheval d'Odin qui a 8 pattes. Vous savez, Sleipnir a 8 pattes. Eh bien, le traîneau du Père Noël a 8 rennes. Donc on revient, c'est que là, on va assister à une chose dingue, c'est que tout d'un coup, tous ceux qui appellent à la tolérance, tout de suite, dès qu'il va y avoir une crèche, ça va être la mitraillette, des tirs de mitraillette en direction de la crèche. C'est-à-dire, il faut dégager cette crèche, il ne faut pas parler de ça. Laïcité Akbar. Laïcité Akbar, exactement, c'est une chose qu'on n'a pas entendue pendant le ramadan, etc., etc., hein. Parce que bon, ils savent très bien ce qui se passerait s'ils commençaient à mettre un peu les pieds dans le plat. Ce qui... hein, c'est pas la même chose, puis ils savent très bien que les catholiques, on est plutôt tendres, je dirais pour le moment. Mais si ça commence à devenir un petit peu fatigant de même pas pouvoir profiter de la fête la plus importante, l'une des fêtes les plus importantes pour nous, en toute tranquillité, non. C'est sûr que ça m'étonnerait que la République installe une crèche au pied de la Tour Eiffel, quoi. Contrairement au chandelier à cette branche pour Hanouka ou autre fête hébraïque. Ah, ouais, c'est vrai. Sinon, c'est je vrai, sais ça. Pas si vous, enfin, autour de vous, vous avez déjà entendu des gens qui disaient oui, mais Jésus, il est pas né le 25 décembre. De toute façon, Noël, c'est une fête païenne, bla bla bla bla. Oui. Bah, voilà, j'imagine que d'ailleurs notre cher ami Oleg, il doit être dans ce délire-là. Mais en fait, tous ceux qui disent ça, bon, historiquement, c'est complètement faux. La fête des païens, ça s'appelait donc le soleil invaincu, Sol Invictus. Et en fait, elle n'est pas du tout fêtée le 25 décembre. Cette fête, elle est fêtée le 21 ou le 22 décembre. En fait, ça correspond au solstice d'hiver, exactement. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec le 25 décembre. Et en fait, ce sont les païens eux-mêmes qui, pour nuire aux catholiques, aux chrétiens, qui fêtaient donc la naissance de Jésus donc le 25 décembre, ont décalé cette fête, donc 2-3 jours après, au 2e siècle. Donc quand vous avez un païen qui vous dit « Ouais, nanana, vous les catholiques, vous avez volé nos fêtes et tout », bah déjà, en fait, non, on n'a pas du tout volé vos fêtes. C'est vous, dans le but de nous nuire, qui avez décalé la date de votre solstice d'hiver. Et après, maintenant, on peut aussi se poser comme question légitime, c'est « Est-ce que Jésus est vraiment né le 25 décembre ?» Et là où c'est intéressant, c'est que la Bible nous donne cette parole de vérité. Donc, notamment dans Saint-Luc, par exemple, on sait que l'annonciation de la naissance de Jean-Baptiste, hein, donc à Zacharie, ça s'est fait un 25 septembre. Pourquoi ? Parce que c'est le seul jour de l'année, donc de l'année 0, hein, enfin, ou de l'année 1, parce que le 0 n'existait pas à cette époque, où Zacharie, qui était le prêtre, pouvait entrer dans le temple. Donc ça, on sait par rapport au calendrier hébraïque, avec les correspondances par rapport à nos calendriers aujourd'hui, que c'était le 25 septembre. Et toujours dans Saint-Luc, on sait que 6 mois plus tard, que la femme de Zacharie, donc qui est Élisabeth, on sait que l'ange Gabriel, il apparaît donc à la Vierge Marie, donc voilà, donc dans une petite ville de Galilée, à Nazareth, auprès de la Sainte Vierge Marie, pour dire donc Saint-Georges Marie et Saint-Joseph, pour dire qu'elle va accoucher du Sauveur. Et donc là, la Bible précise bien que c'est 6 mois après. Donc 6 mois après le 25 septembre, c'est le 25 mars. Et du coup, qu'est-ce qui se passe 9 mois après le 25 mars? Eh ben, c'est la naissance du Christ, donc le 25 décembre. Donc la Bible, donc la parole qui est parole de vérité, prouve de manière sûre et certaine que le Christ est bien né le 25 décembre. Donc ça, il faut vraiment jamais laisser passer, quoi. Donc les historiens, ils vont nier, par exemple, que Jésus existe, ou ils vont nier tout un tas de choses concernant la personne de Jésus, et ils vont aussi nier le jour de sa naissance. Donc je pense qu'il faudrait qu'on s'amuse à bientôt à préparer la liste des articles de presse. L'attaque de crèche va être ouverte. Oui, parce qu'il y a un bon petit paquet d'années, même le giga Shabbat Goy, Robert Ménard l'avait fait, et ça avait provoqué un tollé pas possible, juste d'installer une crèche dans une mairie, il me semble. Ben regardez, dès qu'il y a mis une croix, c'était ça, oui, il y avait Robert Ménard, il y en a d'autres qui l'avaient fait. Même en dehors, je crois qu'il avait un petit peu décalé sur le parvis de la mairie et ça n'avait pas plu. Et qu'est-ce qui avait été fait aussi dès qu'il y avait, une sorte de calvaire, mais qui était daté d'après la loi 1915, c'était où bon, sur l'île de Rheims, je crois, Civitas avait été intervenu, ils avaient fait dégager la procession. Dès qu'il y a quelque chose de catholique, ah, ça y est, tout d'un coup, on a effectivement les droits de la laïcité qui arrivent, qui débarquent pour tout casser. Ils sont où ces gens-là, qu'il y a des chandeliers à 7 branches un peu partout, là, la laïcité Ah, mais c'est pas pareil. Ils sont au pied des chandeliers en train de prier. Ils sont où, à ton avis? Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? Les Juifs. Les Juifs. Eh oui, nous sommes une colonie juive israélienne, pardon. Oui, au cas où les gens ne l'auraient pas compris. Hein. Je tenais à rappeler que Mussolini, lui, il avait remis les crucifixes dans les écoles. Voilà, je pense que c'était pas mal de le dire. Oui, et que notre bien-aimé Führer ne les a jamais fait enlever des écoles allemandes non plus. Levez-vous, monsieur Hitler, il y a des personnes qui ont besoin d'être brûlées. Mais enfin, ça va pas ! Oh ! Alors que c'est vraiment la République et toutes les soi-disant démocraties qui les ont enlevées petit à petit, effectivement. Même dans les pays soi-disant catholiques, ça tend à disparaître. Par contre, ils ont enlevé les francs-maçons et les juifs. Excellente chose. Si on pouvait le répliquer nous aussi, à notre époque, on aurait beaucoup de monde à dégager. Bah, tant qu'on reste antifasciste, on peut pas, en fait. Mais écoutez, on a parlé des Juifs, on a parlé un peu des Juifs et de la République, alors là c'est vraiment la très bonne transition. Vous savez qu'Emmanuel Macron, il a fait la tournée des obédiences maçonniques récemment. Il s'est rendu au Grand Orient de France pour visiter 2 temples maçonniques. Il a dit que l'Élysée indique que c'est un déplacement exceptionnel pour signifier la reconnaissance de la République envers la franc-maçonnerie. Ah, pour le coup, on est d'accord, hein. Pareil, il n'y a pas de souci. Hein. L'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. Et à cet égard, je veux ici être définitif. La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Et il a rajouté, sans prendre un juif, c'est toujours chercher à atteindre la République. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Ce sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Puisque s'en prendre à un juif, c'est toujours aussi chercher à atteindre le projet politique qui le reconnaît libre et égal, qui le reconnaît comme tel. C'est toujours chercher à atteindre la République. Juif, franc-maçon, voilà, complot judéo-maçonnique, on est en plein dedans. Bah, c'est vrai que le déplacement était exceptionnel, ça faisait peut-être 2 semaines qu'il ne s'est pas rendu dans une loge. Donc là, effectivement, c'était exceptionnel. 2 semaines sans lécher les babouches des maçons, c'était c'est quelque chose d'assez étonnant. Non, mais ce qui est agréable, on va dire, c'est quand nos ennemis montrent leur véritable visage. Donc là, quand tu as Macron, donc celui qui est censé diriger le pays, fait ouvertement le lien entre judaïsme et franc-maçonnerie, et ben en fait, lui, on ne va pas l'accuser d'antisémitisme, on ne va pas l'accuser d'antimaçonnisme, alors que nous, quand on fait le lien, forcément, on est tout ça. Donc bon, tant mieux, ça fait avancer le débat. Et République, Dédé. Et la sacro-sainte République qui est fille de la maçonnerie, ouais. Il n'y a pas de lutte véritable contre l'antisémitisme sans un réel universalisme, qui voit dans chaque citoyen un être de droit et de devoir appartenant pleinement, totalement à la République et la nation. Et nous savons, vous savez, que les francs-maçons en seront, comme d'autres, des cibles évidentes. Mais c'est très bien, moi je suis d'accord avec Dédé, je trouve ça très bien quand nos ennemis s'affichent. Il n'y a rien de pire qu'un ennemi qui ne se déclare pas, là on a des ennemis qui se déclarent, et si les gens n'ont pas compris ce qui se passe, on ne peut plus rien pour eux, c'est tellement évident maintenant. Mais ça passe, ça aussi explique la création de la République française. La République française est une création maçonnique, très clairement. On le sait qu'il y en a beaucoup qui étaient de loges maçonniques. Je me souviens que même Hollande avait fait le tour des loges, mais même en période électorale avant d'être élu. Et il disait que pour être... c'était peut-être pas exactement ces mots-là. Pour être validé, de toute façon, il faut passer par là. Quoi. C'est les clés de la République. Il faut passer par la franc-maçonnerie. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Vous avez dû même faire face à certaines menaces, renforcer votre sécurité ici, sur la rue Cadet. Et l'État a été à vos côtés pour vous protéger, car en voulant attaquer la franc-maçonnerie, c'était la République qui était directement visée. De toute façon, toute personne dans la République française qui veut avoir un certain niveau de position, pour garder le contrôle, il doit être dans la franc-maçonnerie. Sinon, vous n'évoluerez jamais. C'est une mafia. Cette mafia a créé la République française en tuant en plus au passage le peuple, le vrai peuple de France, et en nous accusant, nous, après, en changeant toute l'histoire, en nous accusant, nous, d'être en fait les pires des pires. Bah, c'est ce qui m'interpelle un peu, c'est pas la première fois qu'il dit ça, Macron. Il nous pose comme condition de lutte contre l'antisémitisme, il nous parle d'universalisme. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il entend par ça, ce serait bien de clarifier, parce que c'est un peu un mot... ce serait bien peut-être que les Français, ils ont envie de savoir ce que ça veut dire, l'universalisme pour lutter contre l'antisémitisme. Je sais pas si vous pouvez vous faire l'interprète de Macron. Bah c'est l'universalisme, tu sais, inorganique dont on parlait juste avant, quoi. C'est exactement ça, c'est celui de Vincent Peillon. Pour être véritablement homme, il faut se détruire, se détacher de toutes les attaches naturelles. Donc, on ne se définit pas par son sexe, par sa race, par sa religion, etc., etc. C'est ce qu'il entendait par là, quoi. C'est le faux universalisme, celui anti-chrétien et anti-naturel. La destruction de l'ordre naturel, des nations, des races, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. La France a toujours connu, au cours des siècles, a toujours été au cours des siècles métissée. La France a métissé les cultures, les idées, les histoires. La France qui a su métisser ses cultures et ses histoires en a construit, produit un discours universel parce qu'elle-même, la France, se sent universelle dans la diversité de ses origines. Mesdames et messieurs, c'est la dernière chance. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Il faut être comme ça pour régler la question de l'antisémitisme. Donc en fait, tant qu'il y aura l'ordre naturel qui existera, c'est ça qu'il nous dit, il y aura de l'antisémitisme, c'est ça qu'il nous dit, je comprends pas. Oui, c'est ça. C'est pas le plus giga Shabbat Goy de tous parce qu'il a refusé de se rendre à la manif, je pense, que contre l'antisémitisme la dernière, là, la suprématie israélite. Mais je pense que c'est un souci de voilà, avec les dizaines de millions de musulmans qu'il y a dans le pays, il faut aussi savoir contenter tout le monde. D'ailleurs, il aime beaucoup les métèques, notre cher président, mais quand ils sont archidociles aussi, il ne faut pas non plus qu'ils aillent dans des manifs pro-palos. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on nous prêche l'universalisme. Par contre, les juifs, l'universalisme, il s'applique à eux ou pas? Ah non, attention, l'universalisme, c'est pour les autres. Il est fils de parents célèbres, chasseur de nazis, traîne une réputation de playboy et travaille habituellement comme avocat. Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. L'universalisme bien compris, c'est les juifs au-dessus. Au-dessus, c'est le soleil, comme dirait l'autre. D'ailleurs, Meir Habib, il a chialé à la télévision, il a dit « Mon peuple !» Alors, attends, Meir Habib, tu te dis que t'es français, ton peuple c'est qui? On comprend plus. Bah non, en fait, on a compris, c'était qui ton peuple. Bah, il l'a dit, de toute façon, il l'a dit très clairement, il dit « Ce sont mes frères !» Je suis sûr qu'il devait pleurer de l'huile tellement il est gras, ce mec. Oui, il me fait penser au gros porc dans Star Wars, là. J'ai pas la fête. Je veux pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, c'est mes frères, les enfants, les femmes, les chiens, c'est des barbares. Ils ont engrangé. Écoutez les paroles de la Marseillaise, c'est ça qui s'est passé. Jusqu'à quand? Il y a un seul État juif. Un État de trop. Comme on est dans les films, c'est les forces judéo-maçonniques dont on parle depuis tout à l'heure. C'est dans la 7e compagnie qui a une trilogie, là, le 3e film. C'est plus aspect vichiste que résistant, limite, pour les trois quarts du film. Et à chaque fois, il y a cette expression qui revient, ça m'avait amusé, quoi, parce que... Et là, c'est quand même sa part de réalité, il faut bien le dire. Par contre, il est plus retourné au CRIF, Macron, hein, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. Il a envoyé son second, je crois. Il n'a pas apprécié qu'on lui prenne le bras comme un golem. Regardez, on a notre golem, regardez le golem, il est beau mon golem. C'était génial. Moi, je suis pour signer une pétition pour qu'il y retourne. Hein. Je ne sais pas si tu peux faire ça, Bobby, sur Orimus. Si, il faudrait faire un truc comme ça, faut lui envoyer une pétition et là, ah oui, on pourrait le coincer comme ça, ce serait magnifique. Imagine, alors, il va pas y retourner. Vite, pourquoi tu parles d'universalisme et d'antisémitisme? Tu ne retournes pas au dîner du CRIF, mais c'est une deuxième Shoah, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour parler de 5ème République, d'ailleurs, le fondateur, hein, là il y a un fondateur, contrairement au shintoïsme, Charles de Gaulle, l'a rétabli. Hein, et donc vous avez des citations vraiment très claires de sa part, disant « bah, j'ai rendu la République aux Français, alors pourquoi ne leur rendrais-je pas aussi leur franc-maçon ?» Et en effet, ça va avec. Donc tout ce que nous vivons, subissons depuis cette 5ème République, bien que la Constitution ait changé ici ou là, le principal souci a été Charles de Gaulle qui a fait une constitution en plus rejetant les lois de Dieu puisqu'elle est laïque. Oui, mais attends, oui. Mais Charles de Gaulle, il s'est fait par là juste l'intermédiaire pour le coup de la volonté des Français. Parce que la seule pause qu'il y a eu dans cette décadence affreuse, c'est simplement le gouvernement de Vichy qui n'est pas dû aux Français, qui est dû à l'intervention des Allemands. Donc en fait, c'est dans cette direction-là, dans l'enjuvement que voulaient aller les Français depuis... Voilà, ouais. Vous savez que la Troisième République, c'est que ça. Donc après, Charles de Gaulle,